Thank you. Comment les illusions croulent, ne pouvait pleurer tout le monde saoul, attendant seulement le soir, personne ne peut nous voir.